Prononciation, intonation, exercice 57. Marquez l'ironie. Écoutez. On illumine pour le retour de l'épouse. C'est délicat. Répétez. Tiens, je crois qu'on a oublié ça. Ah oui, tu étais encore au bureau à 8h quand j'ai téléphoné. Comme tu le vois, je tiens à te confirmer que je ne suis pas partie. Soyez tranquille, je dirai tout. J'essaierai de n'oublier aucun détail. C'est ce que vous appelez sans doute la franchise.